بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا إن شاء الله مجلسنا الأخير في شرح القواعد الأربع للشيخ الفوزان حفظه الله تعالى ومتع به. وإن شاء الله سخان ندخل ديرنيغ أسيز وتور دو لانتربريتاسيون دي كاتخ غاغل الشيخ محمد نبلوار رحمة الله عليه من الانتربريتاسيون يسي شيل دو الشيخ الفوزان حفظه الله، الله سبحانه وتعالى بخزاه. ونحن مع القاعدة الثالثة التي يبين فيها الشيخ حفظه الله تعالى أن المشركين الذين ظهر فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا متفرقين في عبادتهم، فمنهم من كان يعبد الملائكة، ومنهم من كان يعبد الصالحين والأنبياء والأحجار، ومنهم من كان يعبد الشمس والقمر، ويدلل على أن عبادة هؤلاء كلها ممنوعة بكتاب الله سبحانه وتعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نسمى بك لا تخوزيام غاقنا والشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمة الله عليه من نمونتر كيو البروفيت عليه الصلاة والسلام ايتي انفويي au milieu de gens qui adoraient différentes divinités. Certains adoraient les anges, certains adoraient les prophètes, les vertueux, les pierres, les arbres. Certains adoraient le soleil, et certains adoraient la lune. Allah et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam les a combattus tous sans différence. Et ils nous donnent toutes les preuves sur l'interdiction de tout ce qu'ils ont adoré. وقفنا عند قوله رحمه الله تعالى ودليل الصالحين أي دليل منع عبادة الصالحين، قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. Et nous sommes arrivés à ça, la preuve comme quoi le fait d'adorer les vertueux est interdit. Il cite le verset ceux à qui ils demandent, ceux à qui ils vous dua, eux-mêmes font obéir à Allah subhanahu wa ta'ala pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils espèrent la clémence d'Allah et ils ont peur du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. يقول الشيخ الفوزان ودليل الصالحين يعني أن هناك من عبد الصالحين من البشر، قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. قيل نزلت هذه الآية في من يعبد المسيح وأمه وعزيرا، فأخبر سبحانه أن المسيح وأمه مريم وعزيرا كلهم عباد لله يتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فهم عباد محتاجون إلى الله مفتقرون إليه يدعونه ويتوسلون إليه بالطاعة، يبتغون إلى ربهم الوسيلة يعني القرب منه سبحانه وتعالى بطاعته وعبادته، فدل على أنهم لا يصلحون للعبادة لأنهم بشر محتاجون فقراء يدعون الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه، ومن كان كذلك لا يصلح أن يعبد مع الله عز وجل. الشيخ الفوزان دو دير إلى بروف كم كوا لي فيرتيو إلى انتردي de les adorer parce que les vertueux ce ne sont que les serviteurs d'Allah, ce ne sont que des humains. C'est le verset qu'il a cité Cheikh Mohamed ibn Abdelhab, ceux à qui ils demandent eux-mêmes obéissent à Allah et pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est dit dans la révélation de ce verset que ce verset est descendu concernant la cause de la révélation de ce verset, il est descendu concernant ceux qui adoraient le Messie, ceux qui adoraient Isa alayhi salatu wassalam et sa mère, et ceux qui adoraient l'Uzair, l'un des prophètes de Banu Israël. Allah subhanahu wa ta'ala a annoncé comme quoi que ce soit Isa et sa mère, ou que ce soit l'Uzair, que tous ce sont des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont tous des gens et des serviteurs qui se rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala en obéissant à Allah et qui espèrent la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui ont peur du châtiment d'Allah. Donc ce sont des serviteurs qui ont besoin d'Allah, qui ont pauvre devant Allah subhanahu wa ta'ala et qui demandent à Allah subhanahu wa ta'ala et qui accomplissent des adorations pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils veulent se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala avec leur adoration, avec leur obéissance. Et cela prouve qu'ils ne méritent pas d'être adorés. Ce sont des humains qui ont besoin, qui sont aussi dans le besoin. Ils sont pauvres, ils demandent à Allah, ils espèrent la clémence d'Allah, ils ont peur du châtiment d'Allah. Et celui qui ainsi ne mérite pas d'être adoré, hein? Et celui qui doit être adoré, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. والقول الثاني أنها نزلت في أناس من المشركين كانوا يعبدون نفرا من الجن فأسلم الجن ولم يعلم هؤلاء الذين يعبدونهم بإسلامهم وصاروا يتقربون إلى الله بالطاعة والضراعة ويرجون رحمته ويخافون عذابه فهم عباد محتاجون فقراء لا يصلحون للعبادة. La deuxième parole qui a été rapportée concernant la révélation de ce verset, c'est que ce verset, il est descendu concernant certains associateurs qui adoraient un groupe de djinns. Et le djinn, ce groupe de djinns s'est soumis à Allah, s'est converti, s'est soumis à Allah, et ces humains n'ont pas su, ils ont continué à vouer leur culte à ce djinn. Et ces djinns qui étaient adorés eux-mêmes se rapprochaient d'Allah, en réservant le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, et en ayant peur du châtiment d'Allah, et en espérant la récompense min Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cela prouve que ce sont des serviteurs qui ont besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont pauvres. Donc dans ces cas-là, ils ne méritent pas l'adoration. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله وإن كان المراد بالآية الكريمة فإنها تدل على أنه لا يجوز عبادة الصالحين سواء كانوا من الأنبياء والصديقين أو من الأولياء والصالحين فلا تجوز عبادتهم لأن الكل عباد لله فقراء إليه فكيف يعبدون مع الله جل وعلا. إيه الشيخ الفوزان دو نوزير انتوليكا peu importe la cause de la révélation de ce noble verset, cela prouve qu'il n'est pas permis de réserver le culte à des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils soient vertueux, qu'ils soient prophètes, qu'ils soient véridiques, qu'ils soient parmi les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala ou parmi les vertueux, il n'est pas permis de les adorer. Car tous, ce sont des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont pauvres devant Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment les adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala ? والوسيلة في الآية يقول الشيخ معناها الطاعة والقرب فهي في اللغة الشيء الذي يوصل إلى المقصود فالذي يوصل إلى رضا الله وجنته والوسيلة إلى الله هذه الوسيلة المشروعة في قوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة. الوسيلة dans le verset, et ça c'est très important parce que l'association dans lequel sont induits certaines personnes, c'est à cause de la mauvaise compréhension de ce terme le wasila. Le wasila dans le verset ici, ça veut dire l'obéissance. L'obéissance, c'est se rapprocher. Donc, dans la langue arabe, ça veut dire un moyen qui va t'amener à un but. Et le moyen qui va t'amener à l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui va t'amener vers le paradis, ça c'est un moyen légiféré. Qui est le fait quoi? D'adorer Allah, de lui réserver le culte et de chercher à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala avec l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Amma al-muharrifoun فيقولون الوسيلة أن تجعل بينك وبين الله واسطة من الأولياء والصالحين والأموات تجعلهم واسطة بينك وبين الله ليقربوك إلى الله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى فمعنى الوسيلة عند هؤلاء المخرفين أن تجعل بينك وبين الله واسطة تعرف الله بك وتنقل له حاجتك وتخبره عنك كأن الله جل وعلا لا يعلم أو كأن الله جل وعلا بخيل لا يعطي إلا بعدما يلح عليه بالوسائط تعالى الله عما يقولون. Écoute bien maintenant pour que tu vois où il est l'erreur, comment on induit les gens en erreur. Quant à ceux qui falsifient les sens et quant à ceux qui vivent sur les histoires à dormir debout, ils disent le wasila, c'est que tu prennes entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala une intermédiaire parmi les alliés, parmi les vertueux, parmi les morts, et tu fais que ce soit une intermédiaire pour toi, pour qu'il te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'il soit une intermédiaire pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'il disait dans le verset? On les adore pour nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que disent les associateurs. Et La signification du roi, là, c'est ceux qui vivent sur les histoires à dormir debout, c'est que tu fasses, tu prends entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala une intermédiaire qui va te faire connaître à Allah et qui va prendre ton besoin et le donner et le présenter à Allah subhanahu wa ta'ala et qui va annoncer des choses de toi à Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Comme si Allah subhanahu wa ta'ala il sait pas. Comme si Allah subhanahu wa ta'ala il est avare, il ne donne que après qu'on prenne une intermédiaire. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus de ses paroles qu'il prononce ces gens-là. يقول ولهذا يشبهون على الناس ويقولون الله جل وعلا يقول أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة فدل على أن اتخاذ الوسائط من الخلق إلى الله أمر مشروع لأن الله أثنى على أهله وفي الآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله. Et il dit, Habdallah Ta'ala, c'est pour ça qu'ils induisent, qu'ils mettent des ambiguïtés dans l'esprit des gens. Ils les induisent en erreur. Ils disent, en prenant le verset, qui interdit le fait de réserver le culte aux vertueux, ils disent, le verset, il dit, ceux-là qui vous demandez, cherchent même le moyen, c'est-à-dire ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala, et cette fois-ci, là, ici, ils vont leur expliquer avec quoi ? Et dit, ce verset prouve qu'il est permis de prendre des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala comme intermédiaire entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il se quelque chose de les efférer. Il change complètement le sens du verset. Le wasila qui doit être un moyen des actes d'adoration, une obéissance qui va te rapprocher de Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont dire, Huma? Ils vont dire que ça, c'est permis de prendre une intermédiaire pour te rapprocher d'Allah et pour présenter tes affaires à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils disent, en plus de ça, que Allah subhanahu wa ta'ala a fait les éloges à ceux qui prennent des intermédiaires. Et ils citent le verset, dans un autre verset qu'ils utilisent aussi, dans lequel il y a le wasila, mais il lui donne cette mauvaise interprétation aussi. C'est pour ça que l'interprétation des versets, l'interprétation de la parole d'Allah, de l'authentique, de la sunna, et même l'interprétation de certaines phrases, tout simplement, il est très important que c'est pas quelque chose que nous devons ramener de n'importe où. C'est l'interprétation sur laquelle, et l'explication sur laquelle, et qu'avaient les nobles compagnons, radhiyallahu anhum, et ceux qui les suivent à la perfection. Sinon, là, ceux qui vivent sur les tombes, et sur les caisses des tombes, et ceux qui vivent sur les offrandes qu'on ramène aux morts, ils ont des explications, mais qui sont fausses, comme celle-ci à l'islam, pour que les gens puissent, être guidés comme eux ils veulent, et non pas comme veut Allah subhanahu wa ta'ala. قالوا إن الله أمرنا أن نتخذ الوسيلة إليه والوسيلة معناها الواسطة هكذا يحرفون الكلمة عن مواضعه فالوسيلة المشروعة في القرآن وفي السنة هي الطاعة التي تقرب إلى الله والتوسل إليه بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى هذه هي الوسيلة المشروعة. Ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de prendre des intermédiaires. Le wasila, c'est une intermédiaire. Comme ça, il falsifie le sens des mots. Il les détourne de leur sens. Et le moyen légiféré dans le Coran et dans la Sunna, c'est l'obéissance, c'est les actes d'obéissance avec lesquels tu te rapproches de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le fait de se rapprocher de Allah subhanahu wa ta'ala avec ses noms, avec ses attributs. Ça, c'est le moyen autorisé pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. أما التوسل بالمخلوقين إلى الله فهو وسيلة ممنوعة ووسيلة شركية وهي التي اتخذها المشركون من قبل ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى هذا هو شرك الأولين والآخرين سواء بسواء وإن سموه وسيلة فهو الشرك بعينه وليس هو الوسيلة التي شرعها الله عز وجل. توسل, le fait de prendre des intermédiaires, des créatures comme intermédiaires, ça, c'est ce qui est interdit dans la législation de Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est un moyen de l'associationnisme. C'est de l'associationnisme. Et c'est la même chose que faisaient les anciens associateurs. il est dit dans le verset, ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala, ils adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui ne prodigue ni le bien, ce qui va leur faire, ce qui va pas leur donner de bien, et ce qui va pas leur faire du mal. Ils disent, ceux-là, ce sont les intermédiaires sur Allah. Ceux-là, ce sont les intermédiaires sur Allah. Dans l'autre verset, ils ont pris en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala, les alliés, et ils disent, nous les adorons tout simplement pour nous rapprocher d'Allah. Donc, à moyen. Et ça, c'est l'associationnisme des premiers et des derniers. Là, c'est la même chose qu'ils l'appellent le wasila, le moyen, c'est de l'associationnisme. Oui, ah, et ce n'est pas un moyen légiféré à l'islam pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. لأن الله لم يجعل الشرك وسيلة إليه أبدا وإنما الشرك مبعد عن الله سبحانه وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار فكيف يجعل الشرك وسيلة إلى الله تعالى الله عما يقولون. الله سبحانه وتعالى n'a pas autorisé l'associationnisme. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fait que l'associationnisme soit un moyen pour se rapprocher de lui. L'associationnisme éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala, éloigne de la clémence d'Allah. Il dit dans le verset, celui qui associe Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala lui interdit le paradis, sa demeure sera le feu de l'enfer, et les injustes, c'est-à-dire les associateurs, n'auront pas d'alliés. Comment dans ces cas-là prendre l'associationnisme comme moyen pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala? ها والشاهد من الآية يقول الشيخ أن فيها دليلا على أن هناك من المشركين من يعبد الصالحين لأن الله بين ذلك وبين أن هؤلاء يتقربون وبين هؤلاء الذين تعبدونهم هم عباد فقراء يبتغون إلى ربهم الوسيلة يعني يتقربون إليه بالطاعة أيهم أقرب يتسابقون إلى الله جل وعلا بالعبادة لفقرهم إلى الله وحاجتهم ويرجون رحمته ويخافون عذابه ومن كان كذلك فإنه لا يصلح أن يكون إلها يعبد يدعى ويعبد مع الله سبحانه وتعالى. Et le témoignage dans le verset, c'est que il y a une preuve dedans comme quoi les associateurs, comme quoi il y a parmi les associateurs ceux qui adorent ce qu'on appelle salihin. Allah subhanahu wa ta'ala nous en éclaire dans ce verset. Et il a montré que ceux qui sont adorés en dehors d'Allah, ce sont des serviteurs qui ont besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et ce sont des gens qui se rapprochent avec des actes légiférés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils se rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala avec l'obéissance. Ils accourent en accomplissant les obéissances vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela prouve que ce sont des serviteurs qui ont besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'eux aussi, ou aussi, demandent leurs besoins à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils espèrent la clémence d'Allah. Ils ont peur de son châtiment, comme on dit dans le verset. Et quelqu'un qui est ainsi ne mérite pas d'être adoré. Comment lui demander quelque chose en dehors d'Allah? Comment l'adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala? يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له ودليل الأحجار والأشجار أي دليل عبادة الأحجار والأشجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. Et la preuve comme quoi il est interdit d'adorer les arbres et les pierres, c'est le verset. Oui, est-ce que vous avez vu Lat? Lat, c'est une statue à Taif. Wal Uzza, c'est un arbre aussi. Hein? Imanat al-Talitat al-Ukhra, c'est aussi un grand rocher. Fa, qawluhu wa dalilu al-Ahjar, wal Ashjar ila akhiri, fi hadi al-Aya daliluna ala anna hunaka man ya'budu al-Ahjar. Wal Ashjar min al-Mushrikin. Et, Cheikh Fawzan de dire, la preuve concernant comme quoi il est interdit d'adorer les pierres et les arbres, c'est que dans ce verset cité par Cheikh ici, prouve qu'il y a des gens qui les adoraient en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des associateurs qui les adoraient en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَقَوْلُهُ أَفَرَأَيْتُمْ هذا استفهام إنكار أي أخبروني من باب استفهام الإنكار والتوبيخ. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala les a interpellés, afara'aytum, est-ce que vous avez vu? Ça, c'est une interrogation, une question qui sort comme expression blâmable. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala les blâme en leur posant la façon de la question de cette façon-là. Al-Lat, qui est cité dans le verset Al-Lat, fil-Aya, bi-takhfif it-ta', اللات اسم صنم في الطائف وهو عبارة عن صخرة منقوشة عليها بيت مبني وعليه ستائر يضاهي الكعبة وحوله ساحة وعنده سدنة كانوا يعبدونها من دون الله عز وجل وهي لتقيف وما والاهم من القبائل يفاخرون بها اللات On a les gens, le T, on n'appuyons pas fortement le T à la fin, c'est le nom d'une statue qu'il y a dans la ville de Taif, qui était dans la ville de Taif. Et c'est un énorme rocher sculpté, sur lequel a été construite une maison qui concurrence la Kaaba. Et autour de cette maison, il y a une grande place. Et il y a aussi tous ceux, hein, les agents de ce sanctuaire qui sont là, qui adorent et qui font hein, aux gens les cérémonies et ainsi de suite. Et ils s'adoraient cette maison s'adorait en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il était pour la tribu du Thaqif et les autres tribus qui sont leurs alliés. Et c'était une fierté pour eux. Lat était une fierté pour Thaqif et pour tous leurs alliés. وقرئ أفرأيتم اللات بتشديد التاء اسم فاعل من لت يلت وهو رجل صالح كان يلت السويق ويطعمه للحجاج فلما مات بنوا على قبره بيتا وأرخوا عليه الستائر فصاروا يعبدونه من دون الله عز وجل هذا هو اللات ها بتشديد التاء رجل كان يعجن الخبز مع التمر وكان يسقيه الحجاج يطعمه الحجاج إيه عندما مات بني على على على قبره بيتا وأطلقت عليه الستائر وعبد من دون الله عز وجل aussi لات dans une autre lecture celui en appuyant fortement le T à la fin لات hein et ça c'est un nom de sujet du verbe latayaluto c'est-à-dire c'était un et celui-là c'était un nom vertueux qui mélangeait qui malaxait hein les dattes avec du pain et les donnait comme nourriture à hein, aux pèlerins et quand il est mort ils ont construit une tombe sur lui et ils ont embellé la tombe, ils lui ont donné des rideaux, etc. Il s'est adoré et ils l'ont adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est l'at. Wal'uzza shajaratun min as-salam fi wadi nakhlatin bayna Makka wa at-Ta'if. Hawlaha bina'un wa sata'ir wa 'indaha sadana wa fiha shayatin yukallimuna an-nas. ويظن الجهال أن هذا الذي أن هذا التي الذي يكلمهم ونفس هذه الشجرات أو هذا البيت الذي بنوه مع أن الذي التي تكلمهم هي الشياطين لتضلهم عن سبيل الله وكان هذا الصنم لقريش وأهل مكة ومن حولهم العزة ce sont des espèces d'arbres plusieurs arbres d'une certaine espèce ils se trouvaient dans Le fleuve appelé le fleuve du palmier, le fleuve Nakhla, entre la Mecque et Taif. Et autour de ça, il y avait une construction sur laquelle étaient des rideaux aussi. Et il y avait aussi tous ceux qui s'occupaient et qui enseignaient aux gens comment, hein, comment adorer, comment vouer le culte. Et il y avait aussi des shayatin qui parlaient aux gens. Et les ignorants croyaient que ceux qui leur parlaient, ce sont les arbres. Et que, ou c'est cette pièce qu'ils ont construite, c'est elle qui leur parlait. Alors ceux qui leur parlaient, qui leur adressaient la parole, c'était Shayatin, pour les détourner de la voix d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette statue qui est à l'Uzza, elle était pour Quraysh. Pour Quraysh et ceux qui, les habitants autour de la Mecque. Pour les habitants, pour Quraysh et pour tous et les gens de la Mecque et ce qui entoure la Mecque. ومنات صخرة كبيرة وفي مكان يقع قريبا من جبل قديد بين مكة والمدينة وكان لخزاعة والأوس والخزرج وكان يحرمون من عندها بالحج ويعبدونها من دون الله كنت منات c'est une grande pierre aussi il était dans un endroit qui était proche de la montagne de Qudayd qui se trouve entre la Mecque et Médine. Et il était pour les tribus de Khouza'a et l'Aus et le Khazraj. Ces trois tribus lui vouaient le culte. Et c'est à côté de Manat, c'est là aussi où il rentrait en sacrement, dans l'Ihram. Et c'est de là où il commençait le Hajj, c'est à partir de là. Et ils adoraient cet endroit en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَهَذِهِ الْأَصْنَامُ الثَّلَاثِ هِيَ أَكْبَرُ أَصْنَامِ الْعَرَبِ Ces trois statues, ce sont les plus grandes statues des Arabes. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاتِ هَلَ أَغْنَتْكُمْ شَيْئًا هَلْ نَفَعَتْكُمْ هَلْ نَصَرَتْكُمْ هَلْ كَانَتْ تَخْلُقُ وَتَرْزُقُ وَتُحْيِي وَتُمِيتُ مَاذَا وَجَدْتُمْ فِيهَا هَذَا مِنْ بَابِ الْإِنْكَارِ وَتَنْبِيهِ الْعُقُولِ إِلَى أَنْ تَرْجِعَ إِلَى رُشْدِهَا فَهَذِهِ إِنَّمَا هِيَ صَخَرَاتٌ وَشَجَرَاتٌ لَيْسَ فِيهَا نَفْعٌ وَلَا ضَرٌّ مَخْلُوقٌ. Et le verset il dit, est-ce que vous avez vu Lat ou Al-Uzza ou Manat? Ça veut dire, cher, il dit, est-ce qu'ils peuvent quelque chose pour vous? Est-ce qu'ils vous ont prodigué un bien? Est-ce qu'ils vous ont fait triompher? Hein? Est-ce qu'ils donnaient la vie et la mort? Est-ce qu'ils donnaient la subsistance? Est-ce que vous avez trouvé quelque chose en elles? Et tout ceci, c'est pour les blâmer et pour attirer l'attention de ceux qui sont doués de raison pour revenir vers leur raison. Que ceci, ce ne sont que des pierres, que ne sont que des arbres. Il n'y a aucun bien dedans, ni aucun mal dedans, ce sont des créatures. ولما جاء الله بالإسلام وفتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة المشرفة أرسل المغيرة بن شعبة وأبا سفيان بن حرب إلى اللات في الطائف فهدماها بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسل خالد بن الوليد إلى العزة فهدماها وقطع الأشجار وقتل الجنية التي كانت فيها تخاطب الناس وتضلهم ومحاها عن آخرها والحمد لله وأرسل علي بن أبي طالب إلى منات فهدمها ومحاها وما أنقذت نفسها فكيف تنقذ أهلها وعبادها أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى أين ذهبت هل نفعتكم هل منعت نفسها من جنود الله وجيوش الموحدين إيه كنت الإسلام تغيبي إيه الرسول صلى الله عليه وسلم أفل كونكت دو لمك إلى أنفوي المغيرة بن شعبة يا أبا سفيان بن حرب الطائف pour détruire Lat. Ils l'ont détruite par l'ordre du prophète alayhi salam. Il a envoyé Khalid ibn al-Walid al-Uzza. Il l'a détruite. Il a coupé les arbres. Il a tué le jinnia qui parlait aux gens et qui égarait les gens. Il a effacé. Il a louangé à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a envoyé Ali ibn Abi Talib Amanat. Il l'a détruite aussi. Il l'a anéanti. Il l'a effacé. Et les trois n'ont plus rien pour elles-mêmes. Ils n'ont pas pu être sauvés. Comment ils peuvent sauver ceux qui les adorent? Ils n'ont rien pu pour elles-mêmes. Comment ils peuvent quelque chose pour ceux qui l'adorent? C'est pour ça que le verset, il vient comme une espèce de blâme. Est-ce que vous avez vu Lat ou Al-Uzza ou Manat al-Thalithah al-Ukhra? Est-ce que vous les avez vus? Est-ce que, où ils sont partis? Hein? Est-ce qu'ils étaient bénéfiques pour eux? Est-ce qu'ils ont pu se protéger de l'armée d'Allah et de l'armée des monothéistes? فَهَذَا يَقُولُ الشَّيْخِ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ هُنَاكَ مَنْ يَعْبُدُ الْأَشْجَارَ وَالْأَحْجَارَ بَلْ إِنَّ هَذِهِ الْأَصْنَامِ الثَّلَاثَ كَانَتْ هِيَ أَكْبَرُ أَصْنَامِهِنْ ومع هذا محاها الله من الوجود وما دفعت عن نفس عنها ولا نفعت أهلها فقد غزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلهم ولم تمنعهم أصنامهم فهذا فيه ما استدل له الشيخ رحمه الله أن هناك من يعبد الأحجار والأشجار. Et donc ça, il y a une preuve comme quoi il y a des gens qui adorent les pierres, qui adorent les arbres. Et ben ces trois statues sont les plus grandes statues. Mais pas malgré tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala les a effacées de l'existence. Et ces statues n'ont rien pu pour elles-mêmes, ni ils ont pu quelque chose pour ceux qui les adoraient. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala les a détruites. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a combattues. Et Allah subhanahu wa ta'ala et ces statues n'ont rien pu pour eux. Et dans ce cas-là, dans ceci, il y a une preuve comme quoi, hein, Dans ce verset, il y a une preuve comme quoi il y a des gens qui adorent les pierres et les arbres. Hein? Dans certaines régions, à l'islam. Il est l'yom, fi ba'd al-manatiq, lati fi an-nakhl, ta'ti an-nisa ila an-nakhla, wa hakada ta'khudha, wa taqul ya fahl al-fuhul, uridu zawjan qabla al-hawl. Ya fahl al-fuhul, atini zawj qabla ma yadur al-hul. Atini rajl qabla ma yikmel al-aam. Et de nos jours encore à l'islam, dans certaines régions où il y a les palmiers, il y a des femmes qui viennent et qui prennent dans leurs bras le mâle des palmiers, ils disent, ou les talons des étalons, hein, donne-moi un mari avant la fin de l'année. كذلك في بعض جنوب افريقيا الشماليه ترى في الطريق اشجار وترى فيها قماش خاصه الثياب الداخليه للنساء فالنساء تعلقها هناك تظن ان البرد اذا حركها الهواء اذا حركها ستحرك رحمها وتلد وهذا موجود داخل الاسلام Même Allah Azza wa Jal, encore de nos jours, tu passes dans certaines régions du sud de l'Afrique du Nord et tu trouves des épineux et des arbres épineux et tu vois des chiffons accrochés. Et ça, ce sont les vêtements intérieurs de certaines femmes qui sont atteintes de la stérilité ou qui, ça fait longtemps qu'ils sont mariés, ils n'ont pas d'enfants et ils croient qu'ils ont cette superstition, cette croyance que quand le vent fait bouger ce vêtement, ça va bouger dans leur matrice, ils vont avoir des enfants. Il ne faut pas croire que ça n'existe pas. Ya subhanallah, yaqulu al-shaykh, basharun uqala, ya'budun al-ashjar wal-ahjar al-jamida, allati laysa fiha uqul, wa laysa fiha haraka, wa la hayat, ayna uqulu al-bashar, ta'ala Allahu amma yaquluna, uluwan kabira. Et Cheikh de dire, gloire à Allah, des gens, des humains, qui sont dotés de raison, adorent les pierres, adorent les arbres, adorent des animaux, qui n'ont aucune raison, et qui ne bougent pas, dans lesquels il n'y a aucune vie. Où sont parties les raisons des humains? Hein? Allah est au-dessus de tout ce que disent ces gens-là. Hein? يقول وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حذثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط الحديث Et il dit, il ramène comme preuve aussi le hadith d'Abi Waqid al-Layti, radiallahu anhu arda, rapporté par Tirmidhi et par d'autres, jusqu'alors ils sont sortis avec le prophète alayhi salam et ils étaient pour la bataille de Hunayn, ils étaient nouveaux convertis. Ils venaient de sortir de la mécréance. Et sur le chemin, les associateurs avaient un arbre, un jujubier, dans lequel ils accrochaient leurs armes comme acte par acte de. Pour chercher la bénédiction. Donc, c'est une forme d'adoration. Et quand ils ont vu ça, ils ont dit, « Ya Rasulallah, choisis pour nous un arbre. Datu anwat. Hein? Comme ils ont un arbre dans lequel ils vont chercher bénédiction en accrochant leurs armes. » Fayaqulu Sheikh al-Fawzan, hafidhahullah, an Abi Waqid al-Layti, rahimahullah, رضي الله عنه وكان ممن أسلم عام الفتح على المشهور سنة 8 من الهجرة يقال لها ذات أنواط والأنواط جمع نوط وهو التعليق أي ذات تعاليق يعلقون بها أسلحتهم للتبرك بها فقال بعض الصحابة الذين أسلموا قريبا ولم يعرفوا التوحيد تماما اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط وهذه بلية التقليد والتشبه وهي من أعظم البلايا فعند ذلك تعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر وكان صلى الله عليه وسلم إذا أعجبه شيء أو استنكر شيئا فإنه يكبر أو يقول سبحان الله ويكرر ذلك إنها السنن أي الطرق التي يسلكها الناس ويقتدى ويقتدي بعضهم ببعض. فالسبب الذي حملكم على هذا هو اتباع سنن الأولين والتشبه بالمشركين. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا آلهة اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون قال إنكم قوم تجهلون. موسى صلى الله عليه وآله وسلم لما تجاوز البحر ببني إسرائيل وأغرق الله عدوهم فيه وهم ينظرون مروا على أناس يعكفون على أصنام لهم من المشركين فقال هؤلاء لموسى عليه الصلاة والسلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. أنكر عليهم وقال إن هؤلاء متبر ما هم فيه أي باطل ما يفعلون. الشيخ الفوزان دو كومونتير سو باساج دو سو حديث il dit دابي واقد الليتي il dit كابي واقد الليتي ce noble compagnon il s'est converti à l'islam le jour de la conquête de la Mecque, c'est-à-dire la 8e année de l'Hégire. Donc c'est un nouveau converti et qui est sorti comme les autres à comme combattant pour la bataille de Hunayn. Et concernant Datu Anwat, l'Anwat, ça veut dire hein, là où il y a où on accroche des choses. Et les associateurs accrochaient leurs armes par acte de bénédiction. Ils cherchaient la bénédiction dans cet arbre dans lequel ils accrochaient leurs armes. Et certains nobles compagnons, quand ils ont vu ça, et comme ils étaient convertis de nouveau, ils ne connaissaient pas complètement le monothéisme, ils ont dit, ah, dis-nous, hein, un arbre dans lequel on va accrocher nous, nos armes, comme ils ont un arbre. Et ça, c'est la catastrophe de l'imitation. C'est la catastrophe du fait de vouloir imiter tout le temps l'autre. Et ça, c'est l'une des plus grandes catastrophes. Hein? Et c'est pour ça que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam s'est étonné à ce moment-là. Et il a dit Allahu Akbar. Et quand le Rasoul sallallahu alayhi wa voit quelque chose qui est blâmable, qu'il ne reconnaît pas, etc., il glorifie Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit Allahu Akbar trois fois. Hein? Quand il a quelque chose hein, qui ne reconnaît pas et qui veut blâmer, il dit ou quelque chose qui lui plaît, la même chose, il glorifie Allah subhanahu wa ta'ala. Et il répète ceci. Et il a dit, alayhi salatu wassalam, ça, ce sont les voies, c'est-à-dire les voies que prennent les gens pour imiter les, que les uns imitent les autres. Ça veut dire que la cause qui vous a poussé à faire cette demande, c'est le fait de suivre la voie de ceux qui vous ont précédé. Et le fait de ressembler, de vouloir ressembler aux associateurs. Et il leur a dit, vous avez dit, par celui qui tient mon âme entre ses mains, comme Banu Israël ont dit à Moussa alayhi salatu wassalam. Ils lui ont dit, comme il est cité dans le verset, hein, dis-nous une divinité, comme ils ont une divinité. Et Moussa alayhi salatu wassalam leur a dit, vous êtes des ignorants, vous êtes des gens qui ignorent, et vous êtes des ignorants. Moussa alayhi salatu wassalam, quand hein, il a passé la mer, avec son peuple, ils étaient sauvés par Allah subhanahu wa ta'ala, et que Allah subhanahu wa ta'ala a englouti hein, leurs ennemis, alors qu'ils voyaient comment Allah subhanahu wa ta'ala il a englouti leurs Pharaon et son armée, ils sont passés à côté de gens qui étaient en train de se recueillir et d'adorer une statue. Hein? Des associateurs. Ils ont dit, le peuple de Moussa a dit à Moussa alayhi salatu wassalam, dis-nous une divinité comme ils ont une divinité. Il leur a dit, vous êtes des ignorants. Vous êtes un peuple d'ignorants. Et il les a blâmés. Hein? Et il leur a dit aussi, ceux-là, c'est-à-dire ces associateurs, c'est nul ce qu'ils sont en train de faire. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit aux nouveaux convertis, aux compagnons qui étaient à côté de lui? Hein? Vous avez dit, comment dit Banu Israël? Hein? Tout de suite, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il s'agit du monothéisme, il s'agit d'Allah, il s'agit du droit d'Allah, il a coupé court à tout. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qata'a, l'an hada haqqullah, faqala qultum, kalladhi qalat Banu Israël li Moussa. وباطل ما كانوا يعملون. يقول الله سبحانه وتعالى فيما عن المشركين وباطل ما كانوا يعملون. لماذا؟ لأنه شرك. قال غير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. هذه في قصة موسى مع قومه الذين طلبوا منه أن يجعلوا نجعل لهم إلها كما للآخرين آلهة. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. لماذا؟ لأنه شرك. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. أنكر عليهم عليه الصلاة والسلام، كما أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أنكر على هؤلاء. ولكن هؤلاء وهؤلاء لم يشركوا، فبنو إسرائيل لما قالوا هذه الكلمة لم يشركوا لأنهم لم يفعلوا. وكذلك هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم لو اتخذوا ذات أنواط لا أشركوا، ولكن الله حماهم لما نهاهم نبيهم انتهوا رضوان الله عليهم وقالوا هذه المقالة عن جهل، ما قالوها عن تعمد. فلما علموا أنها شرك انتهوا ولم ينفذوا، ولو نفذوا لأشركوا بالله عز وجل. Et Moussa alayhi salatu wassalam, dans le verset dans sourate Al-A'raf, leur dit: ce que vous demandez, c'est de l'ignorance. Et ce que vous voyez, ces associateurs, que vous voyez ce qu'ils ont, sont en train de faire, c'est faux, c'est nul. Et il leur cite le suite du verset, et c'est nul ce qu'ils sont en train de faire. Pourquoi c'est nul? Parce que c'est l'associationnisme des Cheikh Al-Fawzan, Hafidhahullah Ta'ala. Et la continuité du verset dit, il leur a dit: est-ce que c'est une autre divinité qu'Allah subhanahu wa ta'ala que je vais vous orienter vers une autre divinité qu'Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a élu sur les mondes? Il vous a élu. Il les a élus avec quoi? Avec le monothéisme. Et Moussa alayhi salatu wassalam, il a blâmé à Banu Israël ce qu'ils ont demandé. Comme notre prophète alayhi salatu wassalam, Muhammad alayhi salatu wassalam, a blâmé et a rejeté ce que les compagnons, ces nouveaux compagnons, ces nouveaux convertis lui ont demandé. Et ceux-là, que ce soit les compagnons de Moussa alayhi salatu wassalam ou les compagnons de Muhammad alayhi salatu wassalam, ils n'ont pas associé Banu Israël. Quand ils ont dit cette parole à Moussa alayhi salatu wassalam, ils l'ont pas accompli. Ils n'ont pas associé. Il en est de même que ces nouveaux convertis parmi les nobles compagnons, s'ils avaient pris un arbre pour prendre bénédiction, ils seraient tombés dans l'associationnisme. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a protégé ses nobles compagnons de Allah. Quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam leur a interdit, quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam leur a montré que ceci c'est de l'associationnisme, ils se sont arrêtés. Allah subhanahu wa ta'ala les a sauvés. Et ce qu'ils ont dit, ils l'ont dit par ignorance. Ils l'ont pas dit volontairement et exprès, ils ne le cherchaient pas. Ils l'ont dit tout simplement par ignorance. Mais quand ils ont su que c'est de l'associationnisme, ils se sont arrêtés. Ils n'ont pas accompli ce qu'ils voulaient. Et s'ils l'avaient fait, ils seraient tombés dans l'associationnisme. Mais Allah subhanahu wa ta'ala les a protégés de tout ça. Avec l'avertissement du messager alayhi salatu wassalam, avec le fait que le messager alayhi salatu wassalam a attiré leur attention qu'en quoi ceci n'est dû qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. فالشاهد من الآية يقول الشيخ حفظه الله أن هناك من يعبد الأشجار، لأن هؤلاء المشركين اتخذوا ذات أنواط، وحاول هؤلاء الصحابة الذين لم يتمكن العلم من قلوبهم حاولوا أن يتشبهوا بهم لولا أن الله حماهم برسوله صلى الله عليه وسلم. Il dit, حفظه الله, le témoignage dans le verset, c'est qu'il y a des gens qui adorent les arbres et que ces associateurs ont pris un arbre dans lequel ils cherchaient bénédiction, dans lequel ils accrochaient leurs armes. Et ces nobles compagnons ont essayé, qui n'ont pas eu la science, et que la science n'est pas rentrée dans leur cœur, ont essayé de leur ressembler. Mais Allah subhanahu wa ta'ala les a protégés par la leçon que leur a donné le messager alayhi salatu wassalam. Il les a protégés de cet acte. Al-Shahid, يقول الشيخ أن هناك من يتبرك بالأشجار ويعكف عندها، والعكوف معناه البقاء عندها مدة تقربا إليها، فالعكوف هو البقاء في المكان. Et le témoignage ici, c'est qu'il y a des gens qui vont chercher bénédiction auprès des arbres, qui vont faire une petite retraite spirituelle, restent devant l'arbre, un laps de temps pour se rapprocher de cet arbre. Le ukouf, c'est le fait de rester. Mais, Et là, quand il reste à côté des sources, ou il reste à côté des arbres, c'est pour se rapprocher comme acte d'adoration à l'islam. Et ceci prouve des points très importants. Al-mas'alatu l'oula, khataru l'jahli bit-tawhid. Fa'inna من كان يجهل التوحيد حري أن يقع في الشرك وهو لا يدري ومن هنا يجب تعلم التوحيد وتعلم ما يضاده من الشرك حتى يكون الإنسان على بصيرة لئلا يؤتى من جهله لا سيما إذا رأى من يفعل ذلك فيحسبه حقا بسبب جهله ففيه خطر الجهل لا سيما في أمور العقيدة. Il y a des points à retenir dans ça. Le premier point, c'est, ça te montre le danger de l'ignorance dans le monothéisme. Si la personne ne connaît pas le monothéisme, il va tomber dans l'associationnisme. Tout en étant ignorant, tout en ne le sachant pas. C'est, partant de là, il est obligatoire de connaître le monothéisme, d'apprendre ce que c'est que le monothéisme et d'apprendre ce que c'est que le contraire du monothéisme qui est l'associationnisme. Ah, pour avoir une clairvoyance, pour ne pas tomber dans l'associationnisme avec ignorance. Surtout, la personne, il voit des gens faire des actes d'associationnisme, lui, il n'a pas de science, il les imite. D'où le grand danger de l'ignorance, surtout en ce qui concerne les points des croyances, surtout en ce qui concerne les croyances. Taniyan, fil hadith, khatar at-tashabbuh bil mushrikin wa annahu qad yu'di ila ash-shirk. Qala sallallahu alayhi wa sallam, man tashabbaha biqawmin fa huwa minhum, fala yajuz at-tashabbuh bil mushrikin. Deuxièmement, il y a dedans le danger de vouloir imiter les associateurs et de leur ressembler, car ceci, cet acte de les imiter amène vers quoi? Amène vers l'associationnisme. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui imite un peuple, il fait partie d'eux. Il n'est pas permis de ressembler aux associateurs. Les interprétateurs de hadith disent que celui qui imite un peuple, il est avec eux, c'est-à-dire, il sera châtié comme ils sont châtiés dans l'acte où il les a imités. Il va recevoir le même châtiment qu'ils reçoivent dans l'acte qu'il les a, dans lequel il les a imités. La مسألة الثالثة أن التبرك بالأحجار والأشجار والأبنية شرك وإن سمي بغير اسمه لأنه طلب البركة من غير الله من الأحجار والأشجار والقبور والأضرحة وهذا شرك وإن سموه بغير اسم الشرك. Le troisième point à retenir, c'est que le fait de chercher bénédiction dans les arbres, dans les pierres et dans les constructions, c'est de l'associationnisme. Qu'on lui donne ce qu'on veut comme nom, c'est de l'associationnisme. Car c'est demander la bénédiction à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. La demander à l'inanimé, à une construction, à des pierres, à des tombes, à des mausolées. Et ceci, c'est de l'associationnisme. Qu'on lui donne n'importe quel bon nom, ce sera toujours de l'associationnisme. Et il dit le Cheikh, « Al-Qa'idatu al-Rabi'a » أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. La quatrième règle et la dernière dans cette risala, c'est que Cheikh Mohamed Ibn Abdelhab, il dit, les associateurs de notre époque, leur associationnisme est beaucoup plus énorme que l'associationnisme des premiers associateurs. Car les premiers, ils tombaient dans l'associationnisme au moment de l'aisance seulement. Quand au moment des difficultés, ils accomplissaient la religion sincèrement pour Allah. C'est les premiers. Mais les associateurs de notre époque, leur associationnisme, c'est au moment de l'aisance et au moment de la difficulté. À tout moment. Et il cite le verset. Quand ils prennent le large, dans leur bateau, ils prennent le large, ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala sincèrement. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala les sauve, tout ils ont des difficultés, des tempêtes, ils demandent sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand ils sortent, Allah subhanahu wa ta'ala les sauve, ils reviennent sur la terre ferme, Ils font des associés à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand ils sont en difficulté au fin fond des mers, ils demandent à Allah. Sincèrement et uniquement. Et quand ils sont dehors, ils lui font des associés. Hada pour les premiers associateurs. القاعدة الرابعة وهي الأخيرة أن مشركي زماننا أعظم شركا من الأولين الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. La quatrième règle dit Cheikh Al-Fawzan, عبده الله. Et c'est la dernière, il dit, les associateurs de notre époque sont dans une association beaucoup plus énorme que les premiers associateurs dans lequel a été envoyé le messager d'Allah. والسبب في ذلك واضح. أن الله جل وعلا أخبر أن المشركين الأولين يخلصون لله إذا اشتد بهم الأمر فلا يدعون غير الله عز وجل لعلمهم أنه لا ينقذ من الشدائد إلا الله كما قال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا وفي الآية الأخرى وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين أي مخلصين له الدعاء فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وفي الآية الأخرى فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون فالأولون يشركون في الرخاء يدعون الأصنام والأحجار وأما إذا وقعوا في شدة وأشرفوا على الهلاك فإنهم لا يدعون صنما ولا شجرا ولا حجرا ولا أي مخلوق وإنما يدعون الله وحده سبحانه وتعالى فإذا كان لا يخلص من الشدائد إلا الله جل وعلا فكيف يدعى غيره في الرخاء. Il dit la cause dont tout ça est clair. Allah subhanahu wa ta'ala nous a annoncé que les premiers associateurs, ils étaient sincères, ils réservaient le dua à Allah subhanahu wa ta'ala seulement quand ils étaient dans la difficulté. Ils ne demandaient pas autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ils demandaient à Allah subhanahu wa ta'ala seulement, car ils savaient qu'il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui peut les sortir des difficultés. Et il cite les versets qui le prouvent. Quand il vous arrive un mal au fin fond des mers, tout ce que vous adorez en Allah subhanahu wa ta'ala, ça y est, il ne peut plus rien pour vous. Hein? Et vous demandez à ce moment-là à Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala vous sauve et vous êtes sur la terre ferme, vous détournez, c'est-à-dire vous détournez de l'adoration d'Allah. Et il dit que l'être humain est ingrat. Et dans l'autre verset, quand vous êtes en face de montagnes, de vagues, hein? Vous demandez à Allah subhanahu wa ta'ala sincèrement. Hein? C'est-à-dire que votre dua, vous le faites sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour sortir de ces difficultés et de ce danger, devant ces montagnes de vagues. Et quand il vous sauve vers, il vous fait sortir vers la terre ferme, parmi vous, il y a des économes. Et dans l'autre verset, quand il vous sauve vers la terre ferme, hein, vous lui faites des associés. Vous associez à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cher de nous dire, les premiers tombaient dans l'associationnisme et commettaient l'associationnisme au moment de l'aisance. Mais au moment des difficultés, ils ne demandaient pas au statut, ils ne demandaient pas aux pierres, ils demandaient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et au moment de l'aisance, ils vouaient leur culte et ils demandaient au statut. Quant à donc dans les difficultés, oui, ils demandaient, quand ils sont sur le point de périr, hein, ils ne demandent pas au statut, ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala, car ils savent que la créature ne peut rien pour eux. Mais ils demandent uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala, car ils savent que personne ne peut les sauver, ils les secourir qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cherche de dire, comment dans ces cas-là, au moment de l'aisance, demander à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu حفظه الله أما مشركو هذا الزمان يعني المتأخرين الذين حدث فيهم الشرك من هذه الأمة المحمدية فإن شركهم دائم في الرخاء والشدة لا يخلصون لله ولا في حالة الشدة بل كلما اشتد بهم الأمر اشتد شركهم ونداؤهم للحسن والحسين وعبد القادر والرفاعي والجيلاني وغير ذلك. هذا شيء معروف ويذكر عنهم العجائب في البحار أنهم إذا اشتد بهم الأمر صاروا يهتفون بأسماء الأولياء والصالحين ويستغيثون بهم من دون الله عز وجل، لأن دعاة الباطل والضلال يقولون لهم نحن ننقذكم من البحار، فإذا أصابكم شيء اهتفوا بأسمائنا ونحن ننقذكم. Il dit, حفظه الله تعالى, quant aux associateurs de notre époque, les derniers, de cette communauté, les derniers associateurs parmi ceux de la communauté de Mohammed alayhi salam qui sont tombés dans l'associationnisme, leur associationnisme, il est constant. Au moment des difficultés, et au moment de l'aisance, à tous les moments, ils ne réservent pas le culte à Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit au moment des grandes difficultés, au moment de l'aisance, ils appellent Ya Hassan, Ya Badawi, Ya Hussein, Ya Abd al-Qadr al-Jilani, Ya Rifa'i, Ya. Et ça, c'est quelque chose de connu. Et on cite des choses étonnantes dans leur situation quand ils sont au fin fond des mers. Quand ils sont dans des situations de difficulté dans les mers, ils appellent les alliés, ils appellent les vertueux, ils cherchent secours auprès d'eux en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car les prêcheurs du faux et les prêcheurs de l'égarement leur disent, nous on va vous sauver, vous nous appelez, on va vous sortir de la mer, on va vous sortir des catastrophes. Quand il vous arrive quelque chose, appelez-nous par notre nom et nous venons pour vous sauver. C'est des morts. Et certains frères marins nous racontaient, il n'y a pas longtemps, des choses qu'ils voyaient que le chef du bateau et les gens faisaient quand ils sortaient pour la pêche. Il dit, A'oudou billah. Il dit, pire que ce qui est cité dans le Coran. Encore de nos jours, parmi les pêcheurs. كما يقول الشيخ كما يروى هذا عن مشايخ الطرق الصوفية وقرأوا إن شئتم طبقات الشعراني ففيها ما تقشعر منه الجلود مما يسميه كرامة الأولياء وأنهم ينقذون من البحار وأنه يمد يده إلى البحر ويحمي المركب كله ويخرجه إلى البر ولا تتندى أكمامه إلى غير ذلك من طراهاتهم وخرافاتهم فشركهم دائم في الرخاء والشدة فهم أغلظ من المشركين الأولين. Et comme il est rapporté dans les écrits des soufis eux-mêmes et de leurs grands chouyours et des chouyours des voix soufis, lisez si vous voulez les générations d'El Sharawi, Tabakat Sharani. Tu le lis, t'as la chair de poule, t'as la chair de poule. Dans ce qu'il cite comme quoi ce sont karamat al-awliya, les choses extraordinaires que font, les choses qui sortent de l'ordinaire et qui sortent du naturel, que font les awliya, comme ils disent, qu'ils sauvent des mères et que tout simplement lui il est mort, il met sa main quand les gens lui demandent secours, il met sa main dans la mer et il sort le bateau et les gens qu'il y a dans le bateau sans que ses manches ne soient mouillées. Ajib, il raconte de ces histoires. Wallah, tu sais, les pervers et les mécréants de Walt Disney, ils ne savent pas créer quelque chose que ce qui se raconte dans les livres et dans les annales du soufisme. Ado, ils restent ébahis devant. Ils ne peuvent rien. Ils les ont dépassés dans l'imagination. Des trucs, a'oudou billah. Cela prouve que, et cela, ces associateurs contemporains sont pires que les premiers. Les premiers, quand ils sont au fin fond des mers, ils demandent à Allah. Hadou non, ils demandent aux morts. Et ils leur ont tout écrit plein de livres dans lesquels il y a des histoires à dormir debout. Et ils les induisent en erreur. L'aulia, karamatul aulia, kada. وأيضا كما قال الشيخ في كشف الشبهات من وجه آخر أن الأولين يعبدون أناسا صالحين من الملائكة والأنبياء والأولياء، أما هؤلاء فيعبدون أناسا من أفجر الناس وهم يعترفون بذلك، فالذين يسمونهم الأقطاب والأغوات لا يصلون ولا يصومون ولا يتنزهون عن الزنا واللواط والفاحشة، لأنهم بزعمهم ليس عليهم تكاليف، فليس عليهم حلال ولا حرام، إنما هذا للعوام، وهم يعترفون أن ساداتهم لا يصلون ولا يصومون وأنهم لا يتورعون عن فاحشة، ومع هذا يعبدونهم، بل يعبدون أناسا من أفجر الناس كالحلاج وابن عربي والرفاعي والبدوي وغيرهم. Et Cheikh, comme il l'a cité, Cheikh l'Islam, Mohamed Ibn Abdelwahab, rahmatullah alayhi, comme il l'a cité dans Kashfus Subuhat, un livre dissiper les ambiguïtés sur un. Hein? Il dit que les premiers adoraient des gens vertueux, les anges, les prophètes, les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, mais quant à ceux-là, les contemporains, ils adorent les plus grands pervers de la terre. Ils le reconnaissent, ils le savent. Ils les appellent les pivots autour de quels tourne le monde. Ils les appellent rois, les secoureurs. Alors qu'ils ne prient pas, ceux à qui ils demandent ne prient pas, ne jeûnent pas. Zina, ils le commettent. Lewat, l'homosexualité, ils sont dedans. Le blâmable, ils le commettent de A à Z. Car, selon leurs prétentions, eux, les obligations, ce qui est halal, haram, ça ne les concerne pas. Cela concerne que le commun comme moi et toi. C'est nous qui nous devons prier, c'est nous qui ne devons pas tomber dans le haram, et ainsi de suite. Hein? Mais eux, non. Eux, ils sont arrivés à un degré, plus rien ne les concerne. Les obligations sont pour le commun. Eux, rien du tout. Hein? Et ils savent que ce qu'ils adorent, et leur tête ne jeûne pas, ne prie pas, et malgré tout ça, ils tombent dans le blâmable, dans le zina, dans l'adultère, dans toutes ces formes, et malgré tout ça, ils les adorent. Ils adorent des gens qui sont pervers. Halaj, le summum de la perversité et de la mécréance. Ibn Arabi, avec à l'indéfini hala. La même chose. Rifa'i, le Badawi, que des pervers, des grands pervers. Halaj, il dit, quand on l'amène pour le guillotiner, il dit comme ça, il n'y a dans la djella bakallah. C'est-à-dire que lui, Allah, c'est la même chose. Hada, il est adoré en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ibn Arabi, la même chose. Il a la même akhida que lui. Rifa'i, le Badawi, le grand pervers, grand mécréant. Et il est adoré, et tu entends les gens, ya Badawi, ya Rifa'i, ya. Hein? Regarde, ils sont un. Hein? Il est des étudiants en sciences qui sont allés dans un pays. Ils ont assisté, ils sont allés pour voir dans une zaouia. Ils ont assisté à une assise d'un cheikh. Il y a eu la dame de l'Maghreb. Tout le monde est sorti, les gens sont sortis pour la mosquée à côté qui était collée de l'autre côté. Collée au mur de la zaouia, du siège de la confrérie. Ils sont partis tous pour prier, etc. Il y a un jeune parmi ses étudiants, il a dit, mais cher, il n'est pas sorti, il est où? Il est revenu sur ses pas. Il est allé, il y avait une pièce au fin fond de la confrérie, du siège de la confrérie, et cette pièce, la porte était entrouverte. Il regarde, et cher, il était étalé sur son dos, les mains allongées de chaque côté du matelas. Et le jeune, il entend que de l'autre côté, il y a Iqamat Salah. Cheikh, il est en train d'aller, il est allé. Il ne sait plus. Il est revenu, il a fait la prière, et après, il a attrapé quelqu'un de la ville. Il lui a dit, mais Cheikh, il n'est pas venu faire la prière. L'autre lui a dit, si. Mais comme il a vu, il a dit, non, je l'ai vu. Il a dit, tu l'as vu où? Il dit, je suis revenu, il est dans la pièce, il dort, et il y a ses mains, des deux côtés du matelas qui sont suspendues. Il lui a dit, mais t'as rien compris. Il était en train de nager dans le ciel pour arriver à la Mecque pour faire l'ilm ghurb là-bas. Certains disent qu'ils se réunissent après ça, Salat al-Fajr, sur le toit de la Mecque pour dire, dans cette région-là, il faut mettre un tremblement de terre. Non, là, il faut faire ceci, il faut faire cela. certain nombre de sciences leur ont dit, puisque c'est comme ça, c'est vous qui décidez les tremblements de terre, qui décidez les inondations. Alors, anéantissez les ennemis d'Allah, ces juifs qui se polluent là à Jérusalem. Pourquoi vous ne le faites pas? Si vous avez ce pouvoir à envoyer les tremblements de terre et tout ça, pourquoi vous ne le faites pas? D'où ils sont arrivés à un degré, ils prient même pas avec toi. La terre sur laquelle toi tu pries, l'ayadan billah, ya oula il akhwaf, ou al akhtab, moujoudoun akhi. Ils existent dans l'islam. يقول الشيخ وقد ساخ الشيخ الدليل على أن المشركين المتأخرين أعظم وأغلظ شركا من الأولين لأن الأولين يخلصون في الشدة ويشركون في الرخاء فاستدل بقوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين اي شيخ الفوزان de nous dire ainsi شيخ ramenez la preuve, cher membre de l'Oblab, ramenez la preuve comme quoi les derniers associateurs sont dans un associationnisme beaucoup plus énorme que l'associationnisme des premiers. Et que les premiers, ils étaient sincères au moment des difficultés, ils demandaient à Allah sincèrement et uniquement. Et au moment de l'aisance, ils associaient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a ramené la preuve comme quoi quand ils sont dans le large, ils sont en difficulté, ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala directement. Dans tous les cas, dans les deux cas, c'est de l'associationnisme. Et l'associationnisme, celui qui est dedans, c'est l'éternité de feu de l'enfer. Face à Allah al-Azim, ننفعنا بما سمعنا وينفعنا بما سمعنا وينفعنا بشروحات الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى وأن يرزقه هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب الفردوس الأعلى إنه ولي ذلك والقادر عليه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله لكم وجزاكم الله خيرا.